Sonnet, Charles Cros. À travers la forêt des spontanéités, écartant les taillis, courant par les clairières, et cherchant dans les mois des soifs aventurières l'oubli des paradis pour un instant quittés, inquiète, cheveux flottants, yeux agités, vous allez écueiller des plantes singulières pour parfumer l'air fade et pour cacher les pierres de la prison terrestre où nous sommes jetés. Et puis, quand vous avez groupé les fleurs coupées, vous vous ressouvenez de l'idéal lointain, et leur éclat, devant ce souvenir, s'éteint. Alors l'ennui vous prend, vos mains inoccupées brisent les pâles fleurs et les jettent au vent, et vous recommencez. Ainsi, le jour suivant.